On s'était arrêté à R. Ah, R. si. Oh non. La dernière fois qu'on était entre nous, on s'était arrêté à R. On n'avait pas commencé R. On s'intéressait aux ensembles et voici le chapitre 2. R contient les nombres précédents, ainsi que tout, racine 2, etc. C'est l'ensemble des nombres réels. Est-ce que vous êtes prêt à planer dans les hautes sphères? Aller plus loin que le réel? Dans l'univers, les étoiles? Le cosmos, c'est! C'est comme cosmos! C contient les nombres précédents, ainsi que les nombres imaginaires. Par exemple, I, tel que I carré vaut moins 1. C'est l'ensemble des nombres complexes. Et vous l'étudierez en terminale. En France. En France. En terminale en France. En terminale en France. Nombre complexe. Avec I. Tel que I carré vaut moins 1. En France. Dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans E. La cellule est inclus dans l'univers. L'univers est inclus en toi, dans tes cellules. C'est vertu à te dire depuis le début. Toi tu es Bordas. Et Bordas c'est toi. Toi tu es l'univers. Et l'univers c'est toi. Comme c'est le nombre complexe. L'ensemble du cosmos. Cosmo, Cosmo 4. La cosmo-énergie. Chirgu, les chevaliers du Zodiac. Et René Bourguignon.